reddedilmeyen. Avoir celui de la résurrection. Par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai vu un Dieu sur ton ventre à partir du nombril. Pendant que tu étais assis, il y a un Dieu qui sortait du nombril. C'est par là que tout disparaisse, tout ce qui est positif dans ta vie. On dit, on inspire. Je détruis les noms de Jésus-Christ Nazareth. Je brûle ce Dieu de sorcellerie. Ils ne recommenceront plus jamais le nom de Jésus par le sang de Jésus-Christ Nazareth. Sois libéré par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Allongez-la au sang de Jésus. Le feu du Saint-Esprit. Si tu fais un... Alors, ce que vous venez de voir est tout simplement des révélations qu'on appelle des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, révélées au cours d'une opération tout à fait spéciale de délivrance. Alors, avant de faire la délivrance, il y a ce qu'on appelle la détection, le discernement ou les révélations. Nous avons d'abord les liens comportementaux. Et suivi, les liens comportementaux se manifestent lorsque nous sommes nés dans une famille et on a hérité la vaine manière de vivre des membres de cette famille qui sont nos parents biologiques. Et ça se manifeste au niveau de l'âme, ce qu'on appelle les fragmentations de l'âme. Il y a donc aussi plusieurs méthodes que les gens utilisent pour faire la délivrance, puisque nous parlons aujourd'hui, une fois de plus, de la délivrance. Avant de parler de la sorcellerie et de certaines principautés, nous allons parler à proprement des méthodes de délivrance que Jésus lui-même a pratiquées. D'abord, ce qui est important à retenir, c'est que pour chasser les démons comme pour guérir, il faut l'onction. Car c'est par le Saint-Esprit et par l'épée de la parole que l'on chasse les démons. Il faut aussi la puissance, car c'est par le doigt de Dieu que l'on chasse les démons. Le doigt de Dieu symbolise son autorité et celle de Jésus-Christ. C'est à cette autorité que les démons se plient, se soumettent, pas à nos méthodes, ni aux décibels de notre voix. C'est pas parce que nous crions beaucoup. Jésus avait une telle onction que certains démons se manifestent d'office quand il arrivait quelque part. Cela m'est arrivé aussi à plusieurs reprises. Comme dimanche passé, après le culte, il y a des gens qui s'approchaient de moi, bien sûr, et qui, des démons, quittaient leur corps quand ils étaient éloignés de moi. Alors, le culte s'est bien déroulé avec des délivrances, mais quand ces gens se sont approchés de moi pour me parler, d'autres se mettaient à tomber par terre. On a vu ça ici au Temple des Nations Paris la semaine passée. Donc, dans une assemblée, lorsqu'une onction puissante descend, les manifestations démoniaques se produisent spontanément, sous réserve que cette assemblée pratique la délivrance, car Dieu n'expose jamais un de ses enfants à des regards de jugement ou bien exposer la nudité. Ce sont les démons qui font ce travail. C'est le Saint-Esprit qui contraint les démons à dévoiler leur présence. Et c'est pourquoi parfois les gens tombent par terre. Jésus n'a pas eu de comportement comme on le voit aujourd'hui. Il a mené des gens, il chassait les démons, il détruisait la vie de ses esprits, le travail de ses esprits dans la vie de ses enfants. Bien qu'il ne soit pas spécifié que Jésus, pour ces deux personnes qu'il avait rencontré, Jésus-Christ a posé ses doigts sur les oreilles de l'infirme, puis sur la langue, en lui mettant ses doigts de salive, et il a commandé « Ouvre-toi ». Et même dans le cas de l'aveugle dont il a mouillé les yeux avec sa salive, et appliquer la boue. Donc, on a vu Jésus-Christ utiliser ce qu'on appelle des actes prophétiques. Des actes prophétiques. Parfois, Jésus a imposé les mains pour que les démons partent. Ainsi, dans le cas, par exemple, de la fille d'Abraham, liée depuis 18 ans par Satan, parfois Jésus parlait aux démons, comme dans le cas aussi du Gadarénien. Il sort de ce dialogue des enseignements importants. D'abord, le fait que des gens peuvent être habités par de nombreux démons, dans le livre de Luc, chapitre 8, verset 29, et en Marc, chapitre 5, verset 8, le démon principal est un esprit impur. Il s'agissait donc peut-être d'un esprit humain, entouré d'une légion de démons divers, ce qui expliquerait l'état d'aliénation de cet homme. Nous avons beaucoup d'enseignements là-dessus. Le deuxième enseignement, nous pouvons avoir à donner une destination aux démons que nous chassons, pour qu'ils n'aillent pas n'importe où. Les démons suppliaient Jésus de ne pas les envoyer hors du pays. Voilà. Personnellement, j'aime assez les envoyer dans l'abîme des ténèbres. Puisqu'il est écrit qu'il a mis tous ses ennemis sous ses pieds, Jésus-Christ, moi, j'envoie sous les pieds de Jésus, et c'est les pieds de Jésus qui sont réellement l'abîme des ténèbres. Tous ses ennemis, les ennemis de Jésus doivent se retrouver dans l'abîme des ténèbres. Tous ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui doivent se retrouver dans l'abîme des ténèbres. Cela nous fait peut-être sourire. Alors, il y a aussi des signes physiques. Nous pouvons être amenés à exiger des démons qu'ils nous donnent leur nom, en n'oubliant pas que ce sont des menteurs et qu'ils se plaisent à nous tromper. Il y a d'autres qui posent des questions. Tout un long récit que le démon, en citant même parfois les noms des gens. Or, ce sont des menteurs. Il va citer même le nom de ton père, de ta mère, le nom d'un pasteur, le nom d'un homme de Dieu. Et il y a des hommes de Dieu qui reviennent là-dessus, ils prennent ça comme une information plausible, ils commencent à dire, on a cité le nom de tel pasteur. Or, c'est parce que tu avais déjà des problèmes avec ce pasteur, tu étais jaloux de ce pasteur, c'est pourquoi tu as utilisé une information venant de Satan, de la bouche d'une personne possédée des démons. Est-ce que cette information est fiable? C'est le manque d'amour qui amène les pasteurs à faire ce genre de choses. C'est-à-dire, voilà un démon qui a prononcé le nom de tel, qu'il travaille avec ce pasteur-là. Donc, tous ces esprits qui aujourd'hui se manifestent dans les assemblées, les gens ne savent plus quoi faire quand il faut donc réaliser les délivrances. Et pour impressionner les gens, ils prennent toutes ces informations comme si c'était une vérité. J'ai vu une vidéo où une Africaine, un pasteur là-bas au Cameroun, fait des délivrances, il dit, et la fille qui dit, oui, l'esprit qui est sur moi, c'est l'esprit de Trump, le président Trump des États-Unis. Avec toutes les centaines de millions d'habitants aux États-Unis, une pauvre Africaine qui n'a même pas mangé depuis une semaine. C'est cette pauvre Africaine que Trump va quitter, tant riche comme il est déjà là, pour aller habiter dans le corps d'une pauvre qui est née dans la pauvreté, dans la misère. Avant de faire quelque chose, de dire des choses, il faut d'abord regarder, il faut d'abord essayer de discerner si c'est vrai ou pas. Et puis on prend ça, on balance sur les réseaux sociaux. L'esprit de Trump habitait dans la vie de cette fille. Même dans le système de la sorcellerie, écoutez, on ne livre pas n'importe qui. J'avais posé cette question au village à un oncle qui empêchait son fils, qui était pauvre, soulard, fumeur de chanvre, de venir à l'église prétestant que on va vendre son fils à la magie pour... J'ai dit, mais on va vendre ton fils. Même le diable ne peut pas accepter de prendre ton fils aujourd'hui en sacrifice. Le diable lui-même, il ne prend pas n'importe quoi. Les sacrifices qu'on donne à Satan sont des sacrifices de valeur. Ton fils est déjà détruit d'abord par les démons depuis longtemps. Il n'a aucune valeur. Et puis tu dis qu'on va le vendre. On va vendre. Qui va acheter? Pauvre Africain, toi tu es là où tu es. Et Trump est là-bas aux États-Unis, milliardaire, président des États-Unis, vient habiter dans ton corps. Arrêtez de blaguer avec les gens. Et on dit ça, les gens croient par ce qu'on appelle l'ignorance. Sous l'onction, les mains parlent aussi beaucoup, les mains que nous imposons. Elles peuvent se contracter de colère quand on impose. Les démons aussi se manifestent sous les mains des gens. avoir des gestes d'impureté. Tu vois, on chasse des démons sur quelqu'un, il arrive que cette personne se saisit des parties intimes d'un homme de Dieu, si tu ne fais pas attention. Donc, il y a d'autres démons parfois, c'est le pouce, le médium qui se frotte l'un à l'autre. Un esprit de maman est en train de se manifester par le canal des démangeaisons ou bien des mains qui tremblent. Ça, c'est l'esprit de maman. Parfois, les doigts se forment en anneaux. Cela peut traduire une alliance dans les ténèbres, notamment un mariage. Il y aura à chasser un mari de nuit, une femme de nuit, les esprits incubent ou succubent. La langue peut aussi se mettre à sortir ou à gonfler anormalement au niveau de la bouche. Tout ça, ce sont des signes. Quand on fait la délivrance, il faut regarder tout ça. Il y a aussi des blasphèmes. Il peut aussi s'agir d'un esprit de blasphème qui prononce d'incantations, d'imprécations ou bien de malédictions. Surtout quand les ancêtres se sont livrés à de la sorcellerie ou à des pratiques de magie ou bien à des coutumes de tradition. Ces démons sont spécialisés pour fermer la gorge lors des délivrances. Et on va voir ça tout de suite sur la vidéo qui est sur vous, devant vous. J'arrive quelque part, on ne te donne pas la chaise pour s'asseoir, on te maintient debout. Tu parles, les gens sont assis, te regardent. Sache que tu as déjà été sacrifié dans la sorcellerie. Tu as déjà été sacrifié dans la sorcellerie. Ils sont en train de prononcer ton dernier jugement. Quel jour? L'image que vous voyez, c'est une image du début du ministère. Quand notre ministère commençait, le Temple des Nations Cameroun, vous voyez bien, au Temple des Nations Cameroun, c'était dans les années 2010. Ça venait juste de commencer en 2010 où ce ministère a commencé à grandir. La salle actuelle est déjà deux fois plus. Vous voyez que l'estrade que nous utilisons aujourd'hui est au centre de la salle. Ici, ce n'était pas au centre de la salle. Et aujourd'hui, la salle encaisse des milliers, a une capacité de prendre au moins 10 000 personnes. Mais ici, ce n'était pas ça. Donc, c'était dans les débuts du ministère. Et nous continuons avec toutes les explications qui sont données en matière de délivrance. À manger. Le choix a déjà été fait. Tu arrives dans une maison, tu ne te donnes pas la chaise, tu parles avec les gens, ils sont assis. Ça ne te dit absolument rien. Allez, ton rêve, maman. Lève-toi. Et des intentions sur ces pieds. Ah! voyez qu'il arrive que, au moment de la délivrance, des jambes qui soudain deviennent raides ou bien se contorsionnent également, ils peuvent aussi être la marque, ça peut aussi être la marque d'un esprit, par exemple du serpent, le serpent, par exemple l'éléphant qui a utilisé, les sorciers qui ont utilisé ces esprits pour détruire la vie de cette femme qui est couchée. On peut entendre aussi des cris d'animaux, comme ce qui a été fait tout à l'heure, ou voir les gens qui se mettent à ramper comme des serpents. Ça peut être l'esprit de divination qui se manifeste lorsque les gens rampent comme des serpents. Mais la plupart des pratiques occultes attirent les démons et qui ont un aspect de serpent. C'est à quoi donc Satan a été condamné par Dieu. Au lieu d'être un chérubin protecteur d'une grande beauté, selon Ésaïe chapitre 14, il s'est retrouvé, après avoir fait chuter l'humanité, sous forme de serpent condamné à manger de la poussière et à ramper sur son ventre. N'oublions pas qu'il s'agit d'un esprit. C'est donc bien dans le monde spirituel qu'il a l'aspect d'un serpent. Il est normal que beaucoup d'autres esprits à son service manifestent sous cette forme également. Donc, pourquoi beaucoup de personnes, beaucoup de serviteurs de Dieu ne parviennent pas à faire la délivrance? Parce qu'ils ne maîtrisent absolument rien. Il peut aussi, pendant la délivrance, se produire des odeurs perfides. Dans certains cas, cela révèle un esprit religieux et aussi de l'idolâtrie. Mais ça peut aussi être des esprits d'occultisme, des esprits dominateurs, qu'on appelle la necker. Il y a des postures caractéristiques telles que maté ou bien se frapper le ventre. Il y a d'autres également. Beaucoup de signes sont presque imperceptibles avec le temps et aussi l'expérience. On apprend à les capter et aussi à les interpréter, ce qui accélère le processus de délivrance. Impossible de faire l'inventaire de tous les signes que l'on rencontre, car il n'y a pas deux délivrances qui se ressemblent. Pas du tout. Le diable, comme il est un tricheur, un menteur, un imposteur, certaines personnes poussent d'autres serviteurs, poussent les personnes qu'ils délivrent. La personne doit tomber sous la puissance, sous l'autorité du Saint-Esprit, et c'est le démon qui te fait tomber parce qu'il ne voudrait pas sortir. Alors, on ne chasse pas de la même façon un esprit petit démon ou bien un esprit humain ou des principautés qui ont tenu toute une famille. Pour un démon de haine, un simple pardon suffira avant de prendre l'autorité. Mais si l'on a affaire à des puissances imbriquées entre elles, à des puissances qui ont une telle capacité, une telle force, des esprits dominateurs, alors, pour déloger ce genre d'esprit, c'est le combat, un grand combat. Par exemple, il faut d'abord déloger toutes les principautés qui œuvrent avec elles et qui soutiennent un trône, par exemple l'esprit dominateur. Entre autres, vous avez les cellumas, les esprits qui détruisent la famille, vous avez l'anerker, l'esprit d'occultisme, de tradition, de coutume qui aujourd'hui détruit toute l'Afrique. On ne fait pas un combat pour libérer une collectivité comme un combat pour un individu. Donc cela est très important de le savoir. Il faut savoir calculer la dépense. Et aussi pour des collectivités, pour des familles, avoir le feu vert du Saint-Esprit. On ne s'engage pas seulement pour le faire en ce qui concerne des collectivités, en ce qui concerne des familles, en ce qui concerne des villes, en ce qui concerne des régions. Sinon, on risque de contre-attaques auxquelles on n'est pas forcément préparé. Plus on a affaire à des principautés, des pouvoirs et des dominations, plus le combat demande de la ruse et aussi de la sagesse, mais aussi de la détermination. Cela est très important, beaucoup plus de foi dans la victoire. C'est pourquoi cette semaine, ça sera un très grand combat ici au Temple des Nations, ce dimanche, chaque dimanche. Tous ceux qui font de la délivrance aimeraient pouvoir déclarer « Légion sort » et crier « Démon sort » et voir la personne instantanément délivrée. Malheureusement, sauf miracle souverain de Dieu, cela fonctionne rarement comme cela. La délivrance est le plus souvent un processus. La première raison est le manque de repentance. Pourquoi les gens ne sont pas délivrés? Il y a d'abord le manque de repentance. Les démons nous aveuglent sur la gravité des actes commis sous leur influence. On néglige les actes qu'on a commis sous leur influence. On néglige le péché, on dit que c'est des petits trucs. Et c'est ce que les démons, aujourd'hui, c'est pourquoi ils dominent, continuent à dominer beaucoup de chrétiens, entre guillemets chrétiens. Nous ne parlons pas ici des païens, mais nous parlons des enfants de Dieu. Quand on dit un enfant de Dieu ne peut pas être habité par un esprit, quel type d'enfant de Dieu? Un enfant de Dieu qui vit dans le péché, tu vas être habité par des démons. Jésus-Christ a dit quand l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides. Il était d'abord là, il est sorti. Il va dans les lieux arides. Arrivé là-bas, il ne trouve pas de repos. Il s'est dit en lui-même, je retournerai dans ma maison. Et quand il revient dans sa maison, qui est ton corps, il ne revient pas seul. Il revient d'abord seul et il trouve la maison vide. Vide, c'est-à-dire il n'y a pas le Saint-Esprit. Parce que lorsque tu vis dans le péché, c'est sûr et certain que tu as éteint le Saint-Esprit. Vide, orné par des convoitises mondaines. Chacun est tenté et amorcé par sa propre convoitise, dit la parole de Dieu. Orné. Et non seulement que vide, orné et balayé. Il n'y a pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est pratiquement inexistante. Alors dis-moi, une telle personne, vous me dites aujourd'hui qu'un chrétien né de nouveau ne peut pas être habité par un démon. Ça, c'est des mensonges de Satan. C'est-à-dire, si les hommes de Dieu ne veulent pas lire la parole de Dieu pour méditer la parole de Dieu à fond, lorsque vous lisez la parole de Dieu à fond, vous méditez la parole de Dieu, il va vous révéler beaucoup de choses dans le monde des ténèbres, dans la parole de Dieu, de grandes révélations. Et ces révélations vous permettent d'exécuter ou bien d'exercer la délivrance sans avoir aucune crainte. Et cela est très important de le savoir. Donc, lorsque l'esprit impur, dit la Bible, est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides et il ne trouve pas de repos, dit la parole de Dieu. Il s'est dit en lui-même, je retournerai dans ma maison. Et sa maison ici, c'est quoi? Si vous pouvez répondre à ma question, la maison de cet esprit, c'est quoi? Ce sont vos corps. Parce que nos corps, dit la parole de Dieu, c'est le temple du Saint-Esprit. Et si c'est le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a donc besoin de résider dans un temple propre, de résider dans un temple clair, de résider dans un temple balayé, c'est-à-dire balayé où il n'y a pas la saleté, les ordures spirituelles. Et il n'y a que la puissance du Saint-Esprit, la parole de Dieu et autres, tout ce que vous pouvez imaginer venant du Seigneur. Donc, lorsque l'esprit impur est sorti dans la maison d'un homme, il ne trouve pas de repos. Ah! Je suis fatigué de la sorcellerie. Il y a la pauvreté partout. Oh, il y a des maladies partout. Les hôpitaux sont remplis. Les morgues sont remplies de cadavres. Je suis fatigué de la sorcellerie. Jésus a dit, je vous donne la puissance de marcher sur toutes les puissants de ténèbres, sur tous les puissants de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Vous êtes maintenant dans l'enclos de Jésus, sur le rocher de Jésus. Sur le rocher de Jésus. Il y a quelque chose qui se passe. Tremblement de terre. Lève tes deux mains. Ça a déjà commencé. Le lion est passé. Le sang de Jésus. Quelque chose. L'homme de Dieu va prononcer des paroles. L'homme de Dieu va prononcer des paroles. Le sang de Jésus. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Seigneur. Le sang de l'Alliance. Le sang de l'Alliance. Le sang de l'Alliance. Le sang de l'Alliance. Le sang de l'Alliance. Je te vois les pieds écartés. La terre qui sort. Alors voilà ce que je disais hier dans la vidéo. Pendant que Justin était en train de chasser les démons, il y avait un homme de Dieu qui est serviteur de Dieu et qui nous avait visités. Et Jésus disait justement dans le message que l'homme de Dieu va prononcer les paroles. Et pendant ce temps, lui ne fait que parler en langue. Alors, est-ce que ceux qui ont suivi sont Osho, Bashaka, là, blablabla. J'ai dit prononcer des paroles que les gens entendent, que ces gens qui sont couchés, qui sont assis dans la salle, veulent recevoir des paroles de connaissance, des paroles prophétiques qui peuvent les édifier, qui peuvent les fortifier, mais c'est pas ce qu'il a fait. Et lui continue à parler en langue. Et donc, si je n'avais pas été là, qu'est-ce qui allait se passer? Aucune manifestation du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit nous utilise. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Étant ouvriers avec Dieu, il nous utilise sur le champ pour chasser les démons. Et Jésus n'a jamais dit de chasser les démons en langue. Et lui ne faisait que parler en langue, dans une assemblée. Est-ce que cela a servi à quelque chose? Non. Vous voyez, c'est pourquoi beaucoup d'églises aujourd'hui connaissent des problèmes. Parce que nous faisons ce que le Seigneur nous a pas recommandé, ordonné de faire. Parce qu'on a vu un autre pasteur faire ça, sans toutefois se poser des questions, est-ce que ce que nous faisons est biblique? Il y a deux serviteurs qui chassent les démons. Et un chasse les démons avec des paroles de connaissance. Il chasse les démons au nom de Jésus-Christ. Et celui qui chasse les démons demande à l'autre de prononcer des paroles pour délivrer les captifs. Lui continue à parler en langue. Donc, dans cette liste, on a dit qu'il faut d'abord se repentir. Se repentir de quoi? Se repentir des fausses langues. Tous ceux qui ont appris, qui sont chrétiens, ça peut bloquer cet esprit-là, peut bloquer votre vie spirituelle, peut bloquer d'autres choses dans votre vie aussi, peut bloquer même la réception des dons du Saint-Esprit. Lorsque vous avez un seul esprit dans votre vie, et cet esprit peut provoquer beaucoup de choses. Les fausses prophéties, si on a prophétisé sur toi avec des fausses prophéties, tu n'es pas, qu'est-ce que nous appelons fausses prophéties? Tu n'es pas né de nouveau, pour commencer. Et puis on prophétise sur toi avant la nouvelle naissance. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec ton corps lorsque tu n'es pas encore né de nouveau? La Bible dit les trois parties de notre être doivent être sanctifiées. Corps, âme et esprit. Corps, âme et esprit. Voilà que ton corps n'est pas sanctifié parce que tu n'es pas né de nouveau. L'homme qui reçoit la parole, la prière devant vous est d'abord né de nouveau. Et puis l'Esprit de Dieu m'utilise avec des paroles de connaissance pour sa délivrance. Il devait d'abord auparavant se repentir. C'est ce qu'il a fait. Parce que c'est les gens qui ont passé le temps à faire leur cure d'âme. La cure d'âme, c'est ça, la repentance. Réfléchir sur ton passé, quels sont les actes que tu avais posés qui ont permis aux démons d'entrer dans ta vie, qui ont provoqué cette influence satanique dans ta vie, dominé ta vie. Et ça se manifeste dans les rêves, dans tous les domaines, comme ce que je suis en train de dire. Nous avons donc, par exemple, j'ai parlé hier de l'eau bénite. Il y a des gens qui ont utilisé l'eau bénite. Mais jusqu'à présent, ils ne se rendent pas compte que ce n'était pas une bonne chose. On a chassé les démons avec l'eau bénite, on a sanctifié les maisons avec l'eau bénite. On peut utiliser de l'eau seulement avec une parole prophétique comme tout simplement un acte prophétique. Un homme de Dieu peut prendre une bouteille d'eau, il prie, il te dit, ou bien verse ça sur toi, tu es guéri. C'est un acte prophétique comme Jésus-Christ lui-même le faisait, avec la poussière, avec la salive, avec tout ce qu'il pouvait utiliser. C'est un acte tout à fait prophétique qui n'a rien à voir avec tout ce que les gens font aujourd'hui. Tout ce que les gens font aujourd'hui. Donc, nous devons, au préalable, se repentir sur certaines choses. Certains actes qui ont été posés. L'eau bénite qui est utilisée dans la religion où tu n'es pas encore né de nouveau. Tu n'es pas encore né de nouveau. Tout ce que tu as utilisé, l'eau, pierre, rocher. Lorsque tu es déjà né de nouveau, le Saint-Esprit peut utiliser comme David. Le Saint-Esprit a utilisé la petite pierre de David pour tuer Goliath. Parce que David était un appelé du Seigneur. Et il avait reçu l'onction de Samuel. Samuel avait déversé l'onction d'huile sur lui, dont le Saint-Esprit est descendu. Il n'habitait pas dans le corps de David parce que David avait encore le péché originel. Mais quand Dieu voulait utiliser n'importe qui dans l'Ancien Testament, il descendait pour exécuter par le canal de cet homme ses desseins, mais il n'habitait pas dans les corps de qui que ce soit. Mais n'étant pas encore né de nouveau, dans la religion, on n'est pas né de nouveau. Ils ne connaissent pas la nouvelle naissance. Même l'explication, ils ne connaissent pas. Alors, utiliser le matériel, que ce soit l'eau, que ce soit le sel, que ce soit l'huile, ça devient tout simplement des pratiques occultes. C'est pourquoi on ne chasse pas les démons dans la religion. Ils ont des prêtres exorcistes qui utilisent du matériel d'exorcisme. Rien à voir avec la délivrance faite au nom de Jésus, ce que vous voyez sur votre petit écran. Vous avez utilisé, je l'avais déjà dit hier, le rosaire, les bougies, les livres de prière. Vous devez vous repentir et sachez que vous aviez aussi encaissé les démons derrière ces pratiques. Les saints Blaise, on vous avait parlé du purgatoire et vous avez cru à ça. Le purgatoire qui n'existe nulle part dans la Bible, c'est de la sorcellerie. Les bonnes œuvres pour s'approcher de Dieu. Corneille a aussi essayé de s'approcher de Dieu par les bonnes œuvres, mais ça n'a pas marché. Jésus-Christ a été prêché par Pierre. Lorsque Corneille, la Bible précise qu'il faisait tout ce qui était bien. Il donnait l'aumône, il priait, il craignait Dieu. Mais Corneille n'était pas sauvé. Actes des Apôtres, chapitre 10. Corneille n'était pas sauvé. Alors s'approcher de Dieu par de bonnes œuvres, ou bien dire que tel est saint ou sainte, parce que la personne, avant de mourir, faisait de bonnes œuvres, a aidé, a nourri les orphelins, a nourri les veuves et autres. Et puis, un pape déclare que cette personne est sainte, saint-elle, selon le droit canon. Ce n'est pas la parole de Dieu. C'est un esprit qui est derrière ça. Rien à voir avec la parole de Dieu. Je précise, rien à voir avec la parole de Dieu. Donc, c'est un autre esprit. Quand nous parlons de Corneille, la Bible déclare que ce monsieur était pas saint, Mais ce monsieur craignait Dieu. Actes chapitre 10. Mais pourquoi était-il encore important d'envoyer un certain Pierre dire à Cornelius ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il devait encore faire? Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce Seigneur? L'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain corroyeur dont la maison est près de la mer. Il y a le verset 6 qui est coupé là, continue dans d'autres Bibles. Et ça dit, il te dira. La suite dit, il te dira ce qu'il faut faire. Mais ici, dans cette Bible, c'est coupé, comme dans ta Bible aussi, c'est coupé. Et alors, Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, j'ai prié dans ma maison, à la 9e heure, et voici un homme, lorsque Pierre est arrivé chez Corneille, voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présentant devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée, Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon Corneille, près de la mer. Aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Qu'est-ce que Dieu a ordonné à Pierre de dire à Corneille? Alors que les 3 premiers versets du chapitre 10 stipulent que ce monsieur était comment? Cet homme était pieux, il craignait Dieu avec toute la maison, il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Les caractéristiques d'un bon chrétien, d'un bon serviteur de Dieu. Mais qu'est-ce que, pourquoi Dieu prendrait donc soin d'envoyer Pierre? Pour faire quoi? Parce que Corneille n'était pas encore sauvé. Il ne pouvait pas être habité par le Saint-Esprit. La preuve, c'est après le discours de Pierre devant Corneille que Corneille reçoit le Saint-Esprit. Que Corneille reçoit le Saint-Esprit. Donc les religieux qui ont fondé leur foi sur les œuvres, qu'ils vont aller au ciel parce qu'ils font du bien aux gens, mais vous vous trompez. Vous n'entrerez jamais au ciel parce que vous faites du bien aux gens. Quel bien toi tu peux faire à qui que ce soit? Ou bien vous fondez votre vie chrétienne sur votre justice, propre justice, en observant les 10 commandements. Vous n'entrerez jamais au ciel. Parce que les 10 commandements ne pourront jamais vous délivrer du péché originel. Jamais. Aucune loi de Moïse. Ceux qui ont fondé leur espoir sur Moïse, Moïse lui-même avait le péché originel dans sa vie. Il a reçu Jésus. Le jour que Jésus est descendu aux abîmes pour aller prêcher à ceux qui étaient dans les ténèbres, à ceux qui sont morts depuis l'Ancien Testament, jusqu'au moment de sa crucifixion, au moment de sa mort, il est descendu là-bas pendant 3 jours pour annoncer l'évangile à ceux qui étaient dans le sein d'Abraham et aussi à ceux qui étaient en enfer. Tous devaient croire pour aller au ciel. C'est pourquoi Jésus-Christ déclare lui-même, personne n'est monté à part celui qui est descendu. Personne. Quand Jésus descendait sur cette terre, personne n'était encore monté au ciel. Le chemin du ciel, depuis Adam, était fermé à cause du péché originel. Donc, se focaliser sur vos pratiques, sur vos œuvres, en disant, je peux voir Dieu, Dieu va nous juger à la fin des temps par rapport à nos œuvres. Vous perdez vraiment votre temps, vous irez en enfer. Vous irez en enfer. Donc, il y a le célibat forcé. C'est un esprit. Le célibat forcé, c'est un esprit. On vous dit que vous ne devez pas vous marier. Il y a aussi dans la famille, les parents te demandent de ne pas se marier. C'est un démon. C'est un esprit d'exploitation. Il y a beaucoup de femmes également qui sont exploitées. Elle a envie de se marier, mais elle ne peut pas se marier, elle ne trouve pas facilement le mariage. Pourquoi? Parce que les parents ont déposé un esprit. Ils l'ont envoûté d'exploitation. La servitude, c'est-à-dire, toi tu es utilisé tout simplement, tu fais la prostitution ou bien tu as voyagé, tu arrives en Europe, tu ne fais qu'envoyer de l'argent. Envoyer de l'argent en Afrique. Envoyer de l'argent en Afrique aux membres de ta famille. Toi-même, tu souffres atrocement ici. Également, il y a des hommes qui ont l'esprit de servitude. Toi, tu travailles seulement pour les membres de ta famille. C'est un esprit de servitude. Les bénédictions, solliciter les bénédictions d'un homme qui n'est pas né de nouveau. Par exemple, quand tu étais dans la religion, entre guillemets, les serviteurs, entre guillemets, le serviteur de Dieu qui te bénit là, est-ce qu'il est né de nouveau? Après la résurrection de Christ, je parle de ceux qui cherchent les bénédictions chez les prophètes. Prie pour moi. Quelqu'un qui prie pour toi, il n'est pas né de nouveau. Ça devient une malédiction. Il prophétise sur toi, il n'est pas né de nouveau. Ça devient une malédiction. Il te bénit, il n'est pas né de nouveau. Ça devient une malédiction. Quelle bénédiction quelqu'un qui n'est pas né de nouveau peut t'offrir? Comme ceux qui sont dans la religion, ils disent qu'ils sont mariés à l'église. Lui-même là, il n'est pas né de nouveau. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas né de nouveau peut bénir un mariage? Jamais. Donc Dieu, ton mari, Dieu ne connaît pas ton mariage. Il ne connaît pas ton mariage. Bénédiction là, parce que la bénédiction du mariage, c'est la délivrance du mariage. Est-ce que l'homme qui bénit ton mariage, il est d'abord né de nouveau pour commencer? Je me suis marié dans la religion. Est-ce que celui-là, ton pasteur, dans la religion là-bas, ça dépend de l'église, ou bien catholicisme, ou bien protestantisme, ou bien évangélique, demande-lui s'il est né de nouveau. Quand tu l'écoutes, est-ce qu'il prêche la nouvelle naissance selon les détails donnés par Dieu au sujet de la nouvelle naissance? Est-ce que lui-même est né de nouveau? La personne qui a béni ton mariage, est-ce que ce mariage donc béni de Dieu? Jamais. Il y a ceux qui ont fréquenté les églises de réveil, ils quittent pour avoir la gloire sur terre, parce qu'il veut inviter tel ministre, il veut inviter telle personnalité. Je ne peux pas bénir mon mariage dans une église, et dans une église parce que les sorciers, la plupart des autorités, sont dans les réseaux sataniques et ils n'aiment pas les églises de réveil. Et quand on l'invite, ne vient pas parce que il a des pratiques sur lui, il sait que ce que la prière qui va sortir de la bouche de l'homme de Dieu, étant assis dans la foule, les trucs qu'il a sur lui seront détruits. C'est pourquoi ils n'aiment pas venir dans les églises de réveil. Ils vont dans la religion. Parce que ce sont les enfants des mêmes pères. Lui, il pratique sa sorcellerie, lui, il pratique ces choses. Là-bas aussi, dans la religion, il pratique aussi. Ce sont les enfants des mêmes pères. Ils savent ce qu'ils font. Les bougies. Tu as utilisé les bougies. Est-ce que la lumière du Saint-Esprit, c'est la lumière de la bougie? La lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont point reçue. Est-ce que tu t'es repenti d'avoir utilisé les bougies? Est-ce que, en allumant, tu sais que tu as tiré les démons? Moi, j'utilisais les bougies. Quand j'avais été initié à la magie, à la sorcellerie, on m'avait ordonné d'acheter les bougies blanches, rouges, noires, vertes et autres. Je les utilisais et plaçais ça dans le cercle. Est-ce que toi, tu t'es repenti de tout ça? Il y a des esprits qui sont entrés. Tu es né de nouveau aujourd'hui. Tu dis que j'ai des problèmes. À quel moment tu as fait la repentance? Il y a des gens qui disent, oui, la cure d'âme n'existe pas, n'est pas biblique. La repentance n'est donc pas biblique. La confession n'est pas biblique. C'est ça la réponse, c'est ça la cure d'âme. Qu'est-ce que vous entendez par cure d'âme? Donc, le célibat forcé. Il y a aujourd'hui dans la religion, on force les prêtres, selon la religion, à ne pas se marier. Mais va voir les dégâts qu'ils font après. Si ce n'est pas la pédophilie, c'est des choses semblables. Ce sont vos propres femmes même qui deviennent leurs femmes. Et là, vous ne parlez pas. Un jour, je me suis levé comme ça, dans l'assemblée. Quelle est la femme qui a couché avec... Eh, il fallait voir la foule. Les femmes qui ont couché avec les prêtres. La foule. Mais on a dit quoi? De ne pas, ils ne doivent pas se marier. Les médailles religieuses, les pentacles, on porte ça sur le cou. Saint-Michel, Saint-Sissi, ce sont des démons. Ce sont des esprits. Ce sont des esprits. Les démons. L'ange du bon conseil. Ils appellent ça quoi? L'ange du bon conseil. L'ange est venu, il m'a donné des conseils. Toi, tu n'es pas né de nouveau. La Bible précise que les anges sont au service de ceux qui doivent hériter le salut. Et toi, tu n'es pas né de nouveau. Quel ange qui peut être au service de quelqu'un qui n'est pas né de nouveau? Oui, j'ai vu un ange. On m'a donné un ange. On a affecté. Tu n'es pas né de nouveau. Tu ne sais même pas ce que c'est. Tu ne connais pas l'explication de la nouvelle naissance. Comment ça commence? Comment ça finit? Les anges ne sont pas au service de tout le monde. Selon Hébreux chapitre 1er, les anges sont au service seulement de ceux qui doivent hériter le salut par le canal de la nouvelle naissance. On t'avait parlé d'un ange quand tu étais païen. C'était un démon. Le diable lui-même se présente en ange de lumière. La haine religieuse. La haine religieuse, c'est quoi? Cette haine religieuse ne te permet pas d'avoir le salut. Parce que tu vas haïr toutes les églises qui parlent de Christ dans la vérité. C'est un démon. Tu vas haïr tous les pasteurs. Allez, voilà. Quand tu entends quelqu'un, c'est-à-dire quand on commence à parler de l'église de réveil, quand on dit qu'il y a un pasteur dans la foule le jour, qui a manifestation, quelquefois il y a une grande foule. On dit c'est un pasteur d'une église de réveil. Tu vas voir comment les démons se manifestent sur les gens. Comment les gens ont de l'amertume. L'amertume. Un démon de haine. La conception immaculée de Marie. Tu as cru à tout ça. Mais c'est un démon qui est sur toi. C'est un esprit de mensonge. Le cœur immaculé de Marie. La mariolatrie. Les soldats de Marie, les ceci de Marie, les ceci. Et tu as appartenu à tout ça. Notre-Dame de Mérode, Notre-Dame de la Reine de Paix. Tout le Cameroun aujourd'hui. Mais voilà le Cameroun qui est en train de sombrer. Dans l'alcool, dans la prostitution, dans la corruption, tout un gouvernement en prison. Mais ils sont tous dans des religions que tu entends là. Catholiques, protestants, EPC, tout ça, ils sont là-dedans. Mais, va voir ce qui se passe. Des sacrifices humains. Des sacrifices humains. On m'a envoyé des vidéos où les jeunes au Cameroun aujourd'hui, leur travail c'est tuer les petits enfants, les bébés. Parce que les élections approchent. Et qui leur donne de l'argent? Tous ceux qui veulent être ministres, tous ceux qui veulent être présidents. Ils font des sacrifices aujourd'hui des petits enfants. Et pourquoi les petits-enfants? Ils disent que les petits-enfants sont saints. Qui t'a dit qu'un petit-enfant est saint? Un enfant est saint seulement si son père ou sa mère, l'un d'eux a reçu le Seigneur selon 1 Corinthiens chapitre 7, l'un d'eux est né de nouveau. Et cette sainteté veut dire il est né sans la présence du péché originel. Et vous voyez donc le miracle de Jésus. Pourquoi Jésus est considéré comme péché, sans péché. Il est né sans péché. La Bible précise, 1 Corinthiens, si l'un de vous est né de nouveau, vos enfants sont saints. Parce que tu n'as plus le péché, l'un de vous n'a plus le péché originel. Donc il n'y a pas eu mélange. Et l'enfant, c'est-à-dire cette conception bascule du côté de la sainteté. Comme entre le Saint-Esprit et Marie, la conception de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus est le seul saint, la seule personne qui a porté la chair et le sang sans être impacté, sans être contaminé par le péché originel. Seul Jésus. Je dis bien seul Jésus de Nazareth. Dans toute l'humanité. Et les enfants qui naissent, vous ne le saviez peut-être pas, les enfants qui naissent aujourd'hui dans le Seigneur, comme ma fille qui est née, Esther qui vient de naître. Moi, je n'ai plus le péché originel. La mère n'a plus le péché originel. Donc, cet enfant est né saint. Il est saint par rapport à sa position spirituelle et non par rapport aux actes. La sainteté que la Bible fait écho aujourd'hui, c'est la destruction du péché originel. La destruction du péché originel. La Bible précise, 1 Corinthiens chapitre 7, et nous sommes là, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs. Tandis que maintenant, ils sont comment? Saints. Tandis que maintenant, ils sont saints. Tandis que maintenant, ils sont saints. Quelle parole! Le chrétien n'a pas à avoir peur que les enfants soient impurs, souillés par le père ou la mère non-croyant. Dieu promet l'effet contraire. Ils seraient impurs si les deux parents étaient non-croyants. Mais le Seigneur garantit que la présence d'un seul parent chrétien protège, place les enfants dans un état de sainteté, de pureté. Ce n'est pas que leur salut est déjà assuré, mais qu'ils sont protégés de dommages spirituels et bénis spirituellement. Et puisqu'ils ont part aux bénéfices spirituels de leurs parents croyants, ils sont saints. Ils sont nés sans la présence du péché originel. Donc, le témoignage de la sanctification d'un seul parent né de nouveau, pas chrétien. On ne parle pas des chrétiens, né de nouveau. Place déjà les enfants dans un état de sainteté. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le démon ne peut pas les toucher. Mais il faut que ces enfants soient enseignés dans la parole de Dieu et non les enseignements de tradition, de coutume, les enseignements scolaires et autres. Rien à voir avec la parole de Dieu. Comme ils sont saints, comme toi aussi qui reçois le Seigneur, tu dois aussi étudier la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, être enseigné. L'enfant aussi doit être enseigné à la maison, comme ça il va garder son chemin de sainteté, la voie de sainteté. La voie de sainteté. Donc, c'est là le miracle de Jésus. Jésus avait une maman qui avait le péché originel, mais qui a cru. Mais il était habité par le péché originel. Mais le père de Jésus n'était pas Joseph. Il était Dieu lui-même. Donc Jésus a pris la sainteté de son père. Comme un enfant aussi qui va naître dans une famille où le père est né de nouveau, dont la mère n'est pas née de nouveau. Où la mère est née de nouveau, le père n'est pas né de nouveau. Directement. C'est le côté du Saint-Esprit qui bascule. Si la mère a le Saint-Esprit, est sanctifié par la présence du Saint-Esprit, par la présence du péché originel, c'est fini. L'enfant bascule du côté du Saint-Esprit. Où se trouve le Saint-Esprit? Dans quel corps se trouverait le Saint-Esprit? Dans le couple. Ça veut dire que les démons, la sorcellerie et toutes les pratiques sataniques n'ont aucun pouvoir là où le Saint-Esprit exerce son pouvoir, sa puissance. Vous voyez, donc, quand Jésus descend dans le monde, parce que Dieu ne voulait pas, et c'était la seule personne qui pouvait donc avoir un sang pur, une chair pure. Parce que si c'est Joseph qui avait eu des rapports sexuels avec Marie, Jésus allait être automatiquement souillé. Souillé par quoi? Par le péché de Joseph, pas par le péché de Marie, mais par la souillure originelle qu'on appelle le péché adamique. Vous voyez donc la puissance de ce péché adamique dans un couple d'abord, selon l'explication de la parole de Dieu. Tandis que maintenant, ils sont saints. La femme ou le mari, croyant, être sous un joug étranger est une seule chair avec qui? Un non-croyant. Peut-être frustrant, décourageant. C'est pourquoi il est interdit que toi, enfant de Dieu, tu es déjà enfant de Dieu, tu vas donc te marier avec un païen. À moins que vous étiez tous deux païens, l'homme est païen, la femme est païenne, vous viviez déjà ensemble depuis longtemps, mariés, pas dans le concubinat, mais mariés. Et puis l'un de vous, parce que le mariage c'est dans la famille d'abord, les parents qui ont pris la dot. Et ils ont donné leur fille en mariage, comme ce qui est dit dans le texte ici. C'est pas l'Église qui bénit le mariage. C'est pas l'Église, pardon, qui marie les gens. L'Église bénit le mariage qui a été consommé en famille. Si les parents ont pris, il y a des gens qui viendront vous dire la dot n'est pas biblique. C'est un mensonge. Ce sont des égoïstes qui ne veulent pas dépenser. Quand tu aimes ta femme, tu dois donner quelque chose. Tu dois donner la dot. Un mariage sans dot n'a pas aucune valeur spirituelle. Aucune valeur spirituelle aux yeux de Dieu. Dieu, pour nous avoir, la Bible nous appelle également aujourd'hui les épouses de Christ. Mais Dieu a dépensé. Il a sacrifié son Fils. Avant que nous soyons des épouses, épouses dans l'Église qui est l'épouse de Christ. Mais aujourd'hui, tu vas prendre la fille de truie, tu mets à la maison, tu dis oui, la dette, et les gens aiment ce genre de prédication satanique, démoniaque, sorcellerie. Parce que ça les réconforte dans leur position d'égoïste. Tu gardes la fille de truie à la maison, sans dot, et tu continues à l'appeler ma femme. Elle n'est pas ta femme, vous n'êtes pas marié, monsieur. Et c'est un démon. Alors, lorsqu'il dit si un frère ou une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Les chrétiens mariés à des non croyants n'ont pas à s'inquiéter que leur union, leurs enfants soient souillés par le conjoint non croyant. En fait, c'est exactement le contraire qui est vrai. Les enfants de l'union et le conjoint non-croyant sont sanctifiés par la femme ou le mari croyant. Et vous savez pourquoi le diable passe dans le temps à persécuter? Si la femme reçoit le Seigneur, le diable a utilisé le mari pour persécuter cette femme afin d'abandonner. Parce que les deux doivent redevenir des souillés. Des suppôts de Satan démoniaques. Le diable, lui, connaît la parole de Dieu. C'est pourquoi la femme doit persévérer, même si le mari te pousse à des choses abominables. Tu dois persévérer. Les chrétiens mariés, dont à des non-croyants, n'ont pas à s'inquiéter que leur union ou leurs enfants soient souillés par les conjoints non-croyants. En fait, c'est exactement le contraire. Être sous un joug étranger, une seule chair avec un non-croyant, peut être frustrant, bien sûr. C'est décourageant, bien sûr, parce que vous n'avez même pas la même vision des choses, la même compréhension des choses spirituelles, le même niveau de compréhension dans la spiritualité. Vous n'avez pas tout cela. Mais c'est frustrant quand même. Mais tu dois donc, la dame doit prier beaucoup pour que le mari soit touché. La femme, l'homme doit prier. Et changement de comportement. Que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Dit la Bible. Le terme sanctifié ne fait pas ici allusion au salut. Sinon, le conjoint ne serait pas qualifié de non-croyant. Ça ne veut pas dire qu'il a reçu le salut. Il est question ici de mise à part, ce qui est le sens fondamental des termes sanctifiés et saints, qui viennent de la même racine. Ici, la sanctification est matrimoniale et aussi familiale, pas personnelle ou spirituelle. Aux yeux de Dieu, un foyer est mis à part pour lui lorsqu'un mari, une femme ou par implication, quelque autre membre de la famille est chrétien. Donc, né de nouveau. Parce que quand on dit chrétien, ce mot-là, tout le monde est chrétien. Sorcier chrétien. Pêcheur patenté chrétien. Rosicrucien chrétien. Franc-maçon chrétien. Tout le monde est chrétien. Pratiquant de sorcellerie chrétien. Il pratique la sorcellerie, mais il est chrétien. Un vendeur des âmes à Satan, chrétien. D'autres se déclarent des chrétiens non pratiquants. Mais, chrétien non pratiquant. C'est comme quelqu'un dirait, je suis enfant de Dieu, mais non pratiquant. Je ne mets pas la parole de Dieu en pratique. La Bible dit, mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même pas de faux raisonnements. Et si quelqu'un écoute la parole, ne la met pas en pratique, est semblable à. Mais quelqu'un te dira que je suis chrétien, mais non pratiquant. Et ils sont nombreux, des millions, des millions. C'est quand il ferme les yeux qu'on amène son pauvre corps dans une église. On donne de l'argent à un prêtre pour faire la messe. C'est ça que vous appelez chrétien. Un tel foyer n'est pas chrétien, né de nouveau dans le sens du terme. Mais il est incommensurablement en meilleure position que celui qui est composé entièrement de non-croyants. Lorsque la femme est née de nouveau ou bien l'homme est né de nouveau, il y a déjà la présence du Saint-Esprit dans ce foyer. Même s'il ridiculise et persécute le membre chrétien, le païen peut persécuter, les membres non-croyants de la famille sont bénis par sa présence. Un seul membre né de nouveau répand la grâce de Dieu sur le foyer tout entier. La présence de Dieu dans ce croyant est toutes les autres grâces et bénédictions qui coulent des cieux dans sa vie, débordent et enrichissent également tout ce qui côtoie le chrétien ou la chrétienne née de nouveau dans ce foyer. C'est pourquoi vous ne connaissez pas votre position, frère, sœur. C'est pourquoi le diable vous persécute. Jésus-Christ a dit, vous serez persécutés. Parce que le diable sait que la bénédiction, la délivrance, la guérison, le chemin du ciel pour les membres de ta famille passe par toi. Passe par toi. Alors, que doivent faire des chrétiens qui sont mariés à des non-croyants ou des chrétiennes? Peut-être même à des païens idolâtres et immoraux. Ont-ils la liberté de divorcer de la personne avec qui ils sont sous un joug étranger et de rester ensuite célibataires ou de marier un croyant? Ce sont là des questions qu'on a parfois droit de se poser. Étant donné l'enseignement de Paul à l'effet que nos corps sont les membres de Christ et les temples du Saint-Esprit, selon le chapitre 6, verset 15 à 20, 1 Corinthiens toujours, les chrétiens de Corinthe ont raison de se demander s'ils doivent ou non préserver leurs liens matrimoniaux avec un non-croyant. Certains croient peut-être qu'une telle union joint à Christ, à Satan, suit le corps du croyant et ses enfants déshonore le Seigneur. Leur désir d'être uni à un chrétien doit être très fort. À un monsieur ou une femme née de nouveau. Jésus n'a pas traité directement d'un tel problème. Alors Paul dit aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas là une négation de l'inspiration divine, de ses paroles. mais une indication du fait que Paul ne donne pas, ne donne que une opinion humaine. Cela veut simplement dire que Dieu n'a jusque-là rien dit sur le sujet. Mais que Paul l'aborde maintenant, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Nous construisons sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ mettant la pierre angulaire. Ce n'est pas ce qui est écrit. C'est ça qui est très important. Donc, quand nous continuons, cet enseignement est très important. Ce qui a été donné tout à l'heure, ce n'est pas un enseignement spécifique. Nous allons revenir là-dessus une autre fois, mais ça vous a quand même éclairé. Tous ceux qui ont adoré dans les étoiles de la mer, les fêtes de la paix, la fête de Noël, c'est un démon qui est derrière. Tous les sacrifices que tu as eu à faire, la fête de Noël célébrée par quelle religion ? Toutes les religions du monde, les religions chrétiennes, en tête de liste se trouvent dans les catholiques. Les esprits de la passion, de l'agonie, la passion, pendant les fêtes de Pâques, la dédicace au clergé, ou bien à être religieuse ou religieux. Il y a des filles qui ont dédicacé leur corps en disant « Moi, je serai une religieuse. » D'autres vont vivre dans des temples, deviennent des moines. Les cendres du mercredi saint. Prendre les cendres du mercredi saint. Vous avez vu ça où ? Dans quelle Bible ? C'est un esprit de mort. Tu as fait tout ça et tu viens t'asseoir dans une église. Tu n'as jamais confessé. Tu n'as jamais déclaré. Tu viens quand même t'asseoir dans une église. Porter des Saintes Thérèse, des Saints Christophe, des Saintes Catherine. Tout cela apporte quoi? Des démons. Alors tu dois commencer à dire tout cela toi-même. Sors de mon corps, de mon âme, de mon esprit, de ma mémoire, au nom de Jésus-Christ. Chacune de ces choses est renforcée par un esprit démoniaque spécifique. On ne doit pas les regrouper ensemble. On doit les toucher, les nommer d'une manière spécifique, dans les détails. Dans la religion catholique, moi j'ai fait ça. Si tu étais adventiste du septième jour, tu commences à dire, on m'a enseigné que le sabbat, c'est ça qui est notre Saint-Esprit, c'est ça qui est ceci, je ne sais pas ce qu'on enseigne là-bas. Dans les adventistes du septième jour, ils respectent le sabbat plus que Jésus lui-même. Or, Jésus a dit, c'est moi le sabbat. Quand il traite le problème dans le livre de Colossiens. Dans toutes ces religions, le démon vous fait sortir. Vous reniez le maître qui vous a racheté par votre comportement, par les traditions de cette religion, par les coutumes de cette religion. Et les démons s'engouffrent. Et quand ils s'engouffrent, ils vous détournent du vrai chemin. Ils vous détournent du vrai chemin. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a un tel refroidissement spirituel. Tout le monde est païen, dort. Mais ils appartiennent, ils frappent la poitrine. On dit que la France est un pays chrétien. Mais où est le christianisme en France? Avec tout ce que tu vois ici, c'est un pays chrétien. Donc, tel pays, les États-Unis, c'est que les États-Unis sont en train de s'enfoncer. C'était un pays où on prêchait la parole. Mais depuis que les satanistes ont pris la direction, on m'a dit, Tom, c'est Trump, si c'est Tom, si c'est Trump, je ne sais pas comment vous l'appelez. C'est un chrétien de nouveau. Je rigole. Un chrétien de nouveau qui persécute les étrangers. Vous avez lu ça dans la Bible? La Bible dit de protéger les étrangers. Il dit l'Amérique, c'est pour les Américains. Donc la terre, s'y appartient aux enfants de Dieu. La Bible déclare que nous sommes étrangers et voyageurs. Hébreux chapitre 13, verset 15. Étrangers et voyageurs. Mais aujourd'hui, quelqu'un se lève pour dire la France appartient aux Français. Moi, je n'ai pas de résidence. Nous n'avons pas eu de résidence fixe dans ce monde. Dit la Bible. Hébreux chapitre 13. Il dit, verset 14, c'est le verset 14, « Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. » Nous cherchons celle qui est à venir. Nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Nous cherchons quelle cité? La cité qui est à venir. Quelle cité qui est à venir? La patrie céleste. Un chrétien né de nouveau, parce qu'il y a chrétien et chrétien, il y a des chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau, qui s'attachent aux choses de la terre. Le chrétien, le vrai chrétien, pense à l'enlèvement. Qu'à chaque moment, Jésus peut descendre. On m'enlève, ou bien je meurs. Et si je meurs, je dois être considéré comme mort en Christ, rempli du Saint-Esprit. Mon corps attend la résurrection quand Jésus va venir. Et mon âme, mon esprit sont gardés entre paradis. Et mon corps est enterré. Parce que la Bible dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Mais toi qui n'es pas né de nouveau, tu ne pourras jamais ressusciter. C'est pourquoi les gens vivent comme s'ils étaient éternels sur cette terre. Comme si leur argent est éternel, leurs biens sont éternels avec eux, les maisons éternelles avec eux. Ils vivent dans le péché, ils commettent des péchés, font des choses abominables. Ils ne pensent pas que ceci peut s'arrêter en un moment, c'est-à-dire, ceci peut s'arrêter quand Dieu donne seulement une instruction, il prend son bic, il raide ton nom, tu tombes raide mort. Tu t'en vas. Crise cardiaque, accident, quelque chose de pareil. Ou bien tu es assis comme ce qui s'est passé en Allemagne. Tu es assis en train de boire ton alcool, un camion fonce sur toi, comme ce qui s'est passé en Allemagne. Ce soir, il y a 4 personnes qui ont perdu la vie. En prenant position devant cette buvette, elles ne s'attendaient pas. Elles ne savaient même pas qu'elles ne vont plus se relever là. Mais le camion a foncé directement sur ceux qui buvaient. Ou bien tu vas danser, ou bien tu entres quelque part, tu marches en route, comme ce qui s'est passé au sud de la France. Quelqu'un prend le camion, il lance sur la foule, commence à détruire. Et les victimes, ceux qui sont en train de mourir là, ils vont où? S'ils ne se sont pas préparés en recevant le Seigneur, c'est ce que Satan veut détruire le monde entier en une fraction de seconde. Il sait que si tu meurs sans avoir été sauvé, c'est fini pour toi. Le purgatoire qu'on vous enseigne est démoniaque, ce sont des esprits. Les messes après la mort, on dit, Dieu, souviens-toi de ton âme. On donne l'argent à un prêtre, ce sont des esprits. Ça n'a rien à voir avec la réalité biblique. C'est l'enfer qui vous accueille. On peut rendre des témoignages comment vous étiez bon. Si Corneille était mort ce jour-là, les gens allaient témoigner aussi. Comment il a fait du bien. Mais Jésus, Dieu a vu ça à temps. Il a sauvé Corneille, il a reçu le Seigneur quand il était encore en vie. Et vous? Vous recevez le Seigneur, vous continuez à vivre comme si vous allez vivre éternellement sur cette terre. Les biens terrestres chez vous. On doit travailler. Je dois travailler pour avoir l'énergie, pour pouvoir servir Dieu avec cette énergie. Tout ce que je dois faire, la Bible dit, donne ton corps comme un sacrifice. Donc je donne mon corps, je travaille. Je travaille, je prêche l'évangile, je crée des sociétés, pour avoir de l'argent, utiliser cet argent pour nourrir la famille, parce que ma famille, tout objectif, c'est-à-dire toute pensée que je peux avoir. Si je dois avoir des enfants, ces enfants doivent être au service de Dieu. Si je dois avoir une maison, ma maison doit être au service de Dieu. Parce que je sais que tout ce que j'ai sur la terre, je suis un étranger. Vous êtes des étrangers, des voyageurs sur la terre. Nous n'avons pas une cité permanente dans cette vie. Sinon, tout Adam serait même encore en vie jusqu'à présent. Tes grands ancêtres seront encore en vie jusqu'à présent. Toi-même, tu seras encore très jeune. Même à 90 ans, tu devais toujours garder l'aspect d'une jeune fille de 18 ans. Mais quand tu étais jeune, à 18 ans, tu as 45 ans aujourd'hui, 50 ans aujourd'hui, ou bien 30 ans aujourd'hui, tu n'as plus le même aspect. Ça veut dire que la mort s'approche tous les jours. Et ça ne te dit absolument rien. Tu prends tellement soin de ton corps physique. Soin de ton corps, ta destinée finale où tu vas vivre éternellement. La Bible dit qu'il y a deux destinées, l'enfer ou le ciel. Et Satan passe le temps à vous tromper. L'enfer n'existe pas. Dieu ne peut pas tuer, Dieu ne peut pas faire souffrir sa créature, ses enfants. Est-ce que tu es enfant de Dieu? On devient enfant de Dieu par le canal de la nouvelle naissance. Tu es une créature de Dieu. Dieu a tué Sodome et Gomorre à cause du péché. Il a détruit jusqu'à incinérer la ville. Même les pierres. Dieu hait le péché. C'est-à-dire même les pierres que l'on a utilisées pour construire les maisons à Sodome et Gomorre. Il a rendu cette ville la cendre. Sodome et Gomorre. C'est ce que Pierre est en train de dire ici dans le livre de 2 Pierre chapitre 2. Que s'il n'a pas épargné Sodome et Gomorre, l'ancien mort, il a tué par le déluge. Il a tué par le déluge. Il a rasé. Après ça, Sodome et Gomorre, il a fait pleuvoir une pluie de feu jusqu'à incinérer toute une ville. Il y avait des enfants dedans, il y avait des jeunes dedans, il y avait des femmes belles dedans. Mais tout le monde était versé que dans les plaisirs mondains, des plaisirs sexuels pas croyables. Aujourd'hui, on se permet de faire, quand on te parle de Dieu, tu dis, Dieu c'est quoi, est-ce qu'il existe? Tu es qui? Une pauvre créature. Il a détruit Sodome et Gomorre à la seconde. Jusqu'à incinérer, jusqu'à détruire les pierres, c'est-à-dire, il a fait fondre les pierres. Il a rasé les maisons. Brûlé tout le monde. Jeunes, adultes, vieillards, femmes, hommes, animaux, tout. Et puis le diable, il vous pousse et puis il vous dit, oui, vous savez, Dieu ne peut pas oser. D'abord, il n'existe pas. Tu es le fruit tout simplement d'une évolution. Tu as évolué. N'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Et quand les religions arrivent, ils ne vous disent pas la vérité parce qu'ils n'ont pas la vérité. On cache tout ce qui est écrit dans la Bible. Vous ne lisez pas la Bible. On cache tout. Alors voilà ce que j'avais à vous dire. Une fois de plus, le culte au Temple des Nations, vous ne devez pas oublier de passer à la délivrance. Et la première délivrance, c'est votre salut. Vous devez vous poser la question, si le péché originel a été détruit dans votre vie, quel jour? Parce que vous devez connaître le jour. Si vous ne connaissez pas le jour, faites cette prière avec moi. Ça doit être donc aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas le jour, ça veut dire que vous n'êtes pas encore né de nouveau. Et pour naître de nouveau, voici ce qu'il faut faire. Faites cette prière avec moi. Dites au nom de Jésus. Aujourd'hui, je reconnais que je ne suis pas né de nouveau. J'appartiens à une église, certainement. Mais je ne suis pas né de nouveau. Appartenir à une religion ne fait pas de moi un enfant de Dieu. C'est un esprit qui m'a trompé. Parce qu'il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu. Je dois connaître le jour que je l'avais reçu. À tous ceux qui croient en son nom, je dois connaître le jour que j'ai cru. Je dois me repentir, de la présence du péché originel. Détecte la présence du péché originel dans ta vie. Que je suis né dans ce péché, je reconnais que j'ai ce péché originel dans ma vie. Je suis né dans ce péché, dans la condamnation. Selon Genèse chapitre 3, versets 15, 16, 17. Je suis né dans cette condamnation. Dieu avait même maudit la terre à cause du péché. Je suis né dans ce péché. Que je sois donc délivré de ce péché originel aujourd'hui, venant d'Adam, de cette prison. Que je sois libéré de l'emprise de cette prison. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, écris mon nom dans ton livre de vie. Et que je sois libéré totalement. Que mon âme puisse recevoir le Saint-Esprit qui doit conduire mon esprit, qui doit m'enseigner la parole, qu'il me donne l'envie de lire la parole, d'assister aux enseignements, d'écouter la parole de Dieu, de mettre cette parole de Dieu en pratique par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Seigneur Jésus, il est écrit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et je témoigne que je suis enfant de Dieu, né de nouveau, à partir d'aujourd'hui. Tu as écrit mon nom dans ton livre de vie. Je reconnais que je suis enfant de Dieu, par la puissance du sang de Jésus. Parce qu'il est écrit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Je témoigne que c'est aujourd'hui que je suis né de nouveau. Je suis sorti des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan à Dieu. Je suis maintenant compté parmi les sanctifiés. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth, j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je reconnais que mes parents ont pratiqué des choses abominables, les coutumes, les traditions. Que ces péchés héréditaires, les liens de tous ces péchés héréditaires soient détruits dans ma vie. Je reconnais aussi que moi-même j'ai péché. Alors commence à confesser aussi tes propres péchés, à les identifier à partir d'aujourd'hui, en suivant nos enseignements. Tu identifies tes propres péchés, et comme ça tu seras délivré de tous ces péchés. Et tu invoques le nom du Seigneur, Seigneur Jésus, sauve-moi, que je sois rempli du Saint-Esprit, qui va te convaincre de tous les péchés, qui va t'amener à fuir le péché, par la puissance et par l'autorité de Jésus-Christ Nazareth. Tu es né de nouveau. À partir d'aujourd'hui, tu écris la date dans ton agenda. Et si tu es né de nouveau maintenant, tu dois commencer à suivre les enseignements que j'envoie. Parce que je suis devenu ton père spirituel. À suivre les enseignements que j'envoie. À écouter. À écouter ces enseignements tous les jours. À s'abonner sur Temple des Nations. La chaîne YouTube Temple des Nations. Ou bien entrer dans d'autres chaînes. Notre chaîne, comme notre site www.vimdv.org. Tu vas trouver beaucoup d'enseignements sur YouTube, Temple des Nations. Il faudrait s'abonner. Et tous les enseignements qui seront donnés, tu vas les suivre. Et ceux qui sont à Paris, en France, vous venez au Temple des Nations à Paris, 9h30. Jusqu'à 13h des enseignements. Ne restez pas à la maison. Il faut bouger et venir. Par la puissance et par l'autorité de Jésus-Christ Nazareth. N'oubliez pas qu'il y a eu une grande convention au Cameroun qui va commencer le 3 août. Mais avant le 3, pour ceux maintenant, vous pouvez appeler sur ce numéro et manifester le désir d'y aller. Une grande convention, il y aura beaucoup de serviteurs de Dieu. Et tous les enfants du docteur Essomba, depuis 25 ans, 26 ans que j'annonce l'évangile. Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, Ghana, dans le monde entier, par les réseaux sociaux, tu as reçu le Seigneur. Prépare-toi à aller au Cameroun en août, au mois d'août, pour assister à cette grande convention. Va et raconte, c'est le ministère que Dieu a donné au docteur. Donc c'est une grande convention, tous mes enfants spirituels du monde entier doivent se retrouver au Cameroun au mois d'août à partir d'une grande convention qui démarre. Par une grande veillée au stade. Le 3, vendredi 3, ça démarre ce jour-là. Donc, il faut arriver le 2. Au plus tard le 2. Au plus tard le 2. Août 2018. Commencez à s'inscrire. On va vous donner toutes les informations en appelant sur ce numéro qui s'affiche au bas de votre vidéo. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce continue à se manifester. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, soyez bénis. Amen.